fureur de la ville. Tu as compris depuis longtemps, longtemps. Le plus beau moment de la vie, sans temps qu'on le dit, ce n'est pas construire un pays, mais dire je t'aime à l'infini. Tous les gens qui sont autour de toi ne savent peut-être pas. Tu devras dire en chantant, ouvrez les bras sur les rivières de ta campagne, loin des rues noires de la ville. Tu fais naviguer ton cœur, le plus beau moment de la vie. Tous les gens qui sont autour de toi ne savent peut-être pas. Tu devras dire en chantant, ouvrez les bras de mes rêves infinis, comme une symphonie. L'amour comme un dernier cri, dernier cri. Sweet.